La cave, épisode 4. Pourquoi on fait ça? Mais parce que Chris, on veut se voir, Asti. Ça fait plus qu'un an. C'est ça, on se voit plus, man. On se voit plus, Asti. Le dernier, comptait pas, c'était super spontané. J'étais pas à l'aise, j'étais pas content. Michel Puven, t'es là, c'est cool. Là. Ouais. Mais Chris, on est pas bon. Ben, on n'est pas bon, man. Ben non, on n'est pas bon, mais c'est pas grave, on s'en crisse, asti. Peut-être être meilleur? Ben oui, on peut être meilleur, on peut être meilleur, man. Je vais pas refaire un autre, puis attendre après. Là. Non, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait, là? Ça fait... Le dernier, c'était... Ça fait plus qu'un an, ça. Ouais. C'est même pas le joke, là. Ça fait plus qu'un an, quand c'est pitoyable. Ouais, ouais, ouais. On est pitoyable. Ouais, mais on est encore dans la cave. Ouais. OK. Peux-tu repartir ça? Ben oui, man. Si. Un par mois? Ben oui, man. Je veux te voir au moins une fois par mois. Ouais, tu peux me voir en... ça enregistré aussi. Là. Ben, je suis content de te voir. Moi aussi. On part ça? OK. Un par mois? Yes! Salut, Michel. La cave, épisode 14, Master of the Flying Guillotine. Bon. Salut. Guillotine. Hey, salut, man. Oui. De retour. Ah oui. On ressuscite la cave. Mais sérieux, tu niaisais tantôt, là. T'étais comme, on peut se voir même si... Mais oui, puis non. Parce qu'on s'est vu un paquet de fois en un an. Mais... Oui, j'espère. Rappelle-toi ce qu'on s'était dit à la base, c'est qu'on se voyait juste dans des événements ou pour de la job. Ouais. Ou, tu sais, se croiser dans les parties. Ouais. Mais on n'avait pas notre petit moment, nous. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on a starté la cave. Ouais. Puis là, tu vois, ça fait un an qu'on ne l'a pas fait, puis on n'a pas vraiment eu de moment, nous deux. Des petits moments, mais il y a des gens qui arrivaient. C'est parce ça. Que là, il n'y a vraiment personne. Il y a moi, toi, il y a peut-être ton fantôme des toilettes. Mais... Ouais. Ouais. Mon fantôme d'amour. Il me regarde un chien. Pas changé depuis un an. Mais on a fait des affaires en tabarnak depuis un an. Ouais. Chris, on continue à fumer des clopes sur le podcast. C'est le seul podcast qu'on peut fumer des clopes. Que toi tu fumes. Mais là, dans mon prochain appart, je vais juste fumer la e-cigarette. Ah oui. Ok. C'est ça, parce que ça risque d'être peut-être. Déménage bientôt, toi? Dans un mois. Dans un mois, fait quoi? Ouais, le prochain, la cave, va être peut-être dans une nouvelle cave? Non, le prochain va être ici encore, okay. Puis l'autre va être... Okay. Parce que je déménage le 25. OK. Mais vous n'entendrez rien de différent. Peut-être à part le ce qui est magnifique, c'est que notre appart, ma blonde et moi, qu'on va avoir, il y a une cave, astille. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je vais installer un petit coin lounge... Avec un divan, une table tournante, une vieille TV avec juste mes vieilles consoles. OK. Parce que je joue jamais. Je joue juste au PlayStation 4, tu sais. Ah, ben j'en ai une CRT qui traîne que je pourrais te... Pour vrai? Ouais. Bon, ben, Chris... pas super grosse, mais c'est celle que j'avais dans ma cave, j'ai mes parents. Fait... Ah, ben Chris... Tu vois, fond sur le compte. Ben oui. Fait que là, on va sûrement enregistrer la cave-là avec, tu sais, je veux mettre genre des vieux posters de films. OK. J'ai des vieux posters de Bruce Lee. OK. Un poster de filles à l'anatomie parfaite. Ça, d'ailleurs, je l'ai récupéré. Est-ce-t-il? Ah ouais, Ben, vous l'avez. Parce que je te l'ai donné. Ben non, ben, je te l'ai donné en 96. Et toi, tu l'as donné à Ben. Puis ouais. Ben, il a fait comme deux. Tu le veux-tu? Parce que moi, je vais le récupérer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'étais comme, ouais, je comprends. Non, j'étais content sur le moment. Ouais. Là, on fait plein d'inside. Fait que, en tout cas, on espère que c'est pas votre premier épisode. Parce que sinon, pourquoi vous faites ça? Mais on va juste quand même faire un petit bilan de nos bons coups, de notre temps qu'on s'est absenté de faire la cave. Turbo Kid est sorti, on a enfin pu voir Turbo Kid à Fantasia. Le film n'était pas sorti au dernier podcast qu'on a fait? Non. Wow! Ouais. Ça fait si longtemps que ça. C'est ouais. Fou. Fait que film, on rappelle que tu as contribué en faisant les storyboards. Ouais. Puis maintenant, tu fais quelque chose par rapport à ça. J'ai checké, je suis crédité deux fois dans le générique. Ah oui? Je suis crédité aussi comme genre concept artist ou un enfant de même. OK. Parce que là, je sais pas à quel point c'est vrai, mais il paraîtrait qu'ils se sont basés sur des sketchs que j'ai faits pour faire des costumes. OK. Fait que tu sais, le genre de bounty hunter qui a comme un abat-jour sur la tête, Oui. ça c'était dans mes sketchs et c'est directement inspiré de films de kung-fu comme on va parler Oui. ce mois-ci. Parce que cet épisode de résurrection n'est pas uniquement sur nous, puis on va pas se flatter pendant 1 heure. Ben, on aime ça se flatter. Moi, j'aime Ouais. ça. Quand tu me flattes, Mais ça. Turbo Kid, t'as pas fini après le film? Tu viens de boucler. Ben oui. La semaine dernière, j'ai fini la dernière page de la BD de Turbo Kid qui va sortir. Ok. On a hâte, on est nerveux. Man, c'est le premier projet que je suis nerveux. Parce que toutes les autres. Puis c'est ça qui est bizarre. C'est que les autres, soit c'est mes affaires à moi. Puis bizarrement, moi, une fois que c'est sorti, je m'en crisse. Si t'as aimé ça, si t'as pas aimé ça, je m'en crisse. Pour moi, ce qui est important, c'est que Que toi t'es satisfait, là, c'est puis que ça. tu le T'sais. termines, oui. Fait que, comme Déboire, un autre BD que j'ai fait cette année, je m'en fous si le monde aime ça ou non. Moi, c'était exactement ça que je voulais faire. OK. Pour Turbo Kids, où c'est bizarre, c'est que C'est pas juste à toi, là. c'est pas à moi. Puis il y a un gros fanbase et je sais pas ce qu'ils veulent. Fait que je sais pas s'ils vont lire ça puis ils vont faire comme eh, c'est dans mes poches, il y a pas, nanana. En même temps, je pense, tu sais, c'est écrit par Roadkill. Ben, en fait, c'est weird, parce que ça, je peux peut-être en parler un petit peu. On l'a fait à la Marvel Way. Donc, ils ont fait un outline très vague. Genre, il se passe ça, puis là, il se bat avec lui, puis là, ils s'en vont là. Après ça, moi, j'ai fait toutes les storyboards, donc j'ai créé des scènes à partir de du outline qu'ils m'ont donné. Puis après ça, eux sont revenus pour écrire les dialogues dans les cases. Mais l'outline, tu parles, il était quand même assez. C'est une page. C'est un sommaire, c'est ça. C'est Fait que ça. sûrement, tu as eu de la place à ajouter ta Ben, moi, je crédité. pense que, puis je sais pas d'un crédit comment que ça va fonctionner, mais pour vrai, je me mettrais qu'au scénariste. Parce que c'est plus que juste faire le storyboard. C'est vraiment, j'ai créé les scènes. Oui. Ce qui manquait le plus dans les outlines, c'était les transitions. Fait qu'on savait qu'à un moment donné, mettons, Apple est sur le bord du feu, puis à un moment donné, elle se fait courir après par un maniaque. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ben, il faut que quelqu'un l'écrive. Puis aussi, tu sais, tout le découpage des fights, ça fait partie du scénario aussi. Fait que, mais en même temps, c'est toutes des idées qu'on a amenées ensemble. Fait que, la question que le monde me demande le plus souvent, c'est ça se passe-tu après ou avant le film? T'es en mesure de répondre à ce stade-ci? Oui, en fait, ça se passe en parallèle à la première moitié du film. Et ça se passe pas après parce qu'ils se sont dit, si on fait un 2, ça ne tente pas de spoiler des idées qu'on a dans la BD. Puis aussi que, pour les gens qui ont vu Turbo Kid, spoiler alert, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tout le monde est mort. Il reste juste le kid. Fait que fais une BD avec juste le kid, t'as pas Skeletron, t'as pas Zeus, t'as pas Apple. Fait qu'on a fait comme, regarde, on va raconter quelque chose en parallèle, puis il y a un beau petit moment où c'est que ça se blende avec le film, donc ça fait partie du timeline officiel, c'est pas dans un monde parallèle ou whatever. Puis, ben c'est ça. Mais j'ai la chienne, j'ai la chienne. Puis, ce qui est bizarre, c'est que cette année, j'ai fait un autre BD qui est Amos d'Aragon. Qui est pas encore. Oui, les deux, c'est pas encore sorti. Non, les C'est deux ça. sont pas sortis, mais ils vont sortir très bientôt, les deux, avant le début de l'été. Et. Mais pas avant notre prochain épisode. Ça, c'est vrai. Et Amos, bizarrement, ça va sembler ultra prétentieux, ce que je vais dire, mais je le savais. Genre, je le savais comment le traiter. Puis, à un point tel que. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Quand tu catches quelque chose, puis genre, je suis comme, je le sais que ça va être bon parce que je Ben, il y a déjà une comprends. machine derrière ça. Ou il y a déjà comme Mais ton lectorat est déjà là. c'est ça qui est weird, c'est que Amos, c'est autant un succès, je pense, que Turbo Kid. dans le sens qu'il y a un gros fanbase. Mais Amos, bizarrement, c'est plus clair. C'est du fantasy, un peu jeunesse. Fait que, bizarrement, c'est comme. Tu sais, Turbo Kid, c'est très weird comme style parce que c'est du rétro. En même temps, c'est super gore. C'est de la comédie, c'est de l'horreur, c'est du drame, c'est de l'aventure. Tu sais, je C'est trouve ça que dans. Amos, pour moi, c'était comme plus clair, c'était Ouais. quoi. Ouais, puis c'est plus établi dans le paysage un peu plus large québécois, C'est là. ça, tu Ouais. sais. Puis Turbo Kid, ça peut tellement aller dans tous les sens que j'espère qu'on a pris la bonne décision, mais je suis nerveux. C'est la première BD de ma vie que je suis comme, je sais pas ce que le monde va avancer. T'sais. Puis je m'en crisse pas. Contrairement à mes autres BD que je suis comme, c'est fait, c'est fait. Fait que, ouais, moi j'ai produit en Esti cette année, là. On a un autre BD qu'on a fait ensemble. Ouais, c'est ça, si on recule un peu plus à la fin de l'automne, en novembre, comme à chaque année, on voulait faire une collaboration, moi et toi. Puis finalement, je t'ai proposé un script, puis finalement, c'est un peu trop ambitieux, ou avec, je pense que c'est un bon concours de circonstances que on l'a mis sur la glace, puis on va vraiment prendre le temps de le peaufiner, puis de le faire correctement. Donc finalement, toi, tu avais un autre projet que tu as ressorti d'un tiroir, que moi, j'avais déjà un squelette de scénario. Puis là, on est vraiment dans le territoire de l'horreur. Fait qu'un short de 30 pages, puis tu as approché une autre personne pour écrire l'autre histoire. Fait que deux histoires de deux scénaristes différents, illustrés par toi. Francis Ouellet Oui. et Dominique Carrier. Oui. Voilà. Fait que... Puis aussi, il faut que je le dise, Phil Tremblay, Oui. qui a participé au livre, il a fait tout le design Design graphique, oui. graphique, Le donc logo. le logo, puis aussi les pages intérieures. Il y a tout le temps une page réservée à une dédicace, puis c'est lui qui a eu l'idée de comme rajouter des feuilles puis des fleurs Oui. là-dedans. Je trouvais que c'est une super bonne idée, fait que merci Phil, c'est crissement cool. Puis, ben, petite plug parce que je suis obligé de le faire. Ben oui. La semaine passée, je me suis starté un compte Etsy, fait que c'est comme une boutique en ligne. Et on peut acheter la BD là-dessus. La BD s'appelle Déboire. On Oui. l'avait même pas dit le titre. Oui. La BD s'appelle Déboire, puis vous pouvez la commander. Si vous êtes à Montréal, écrivez-moi directement parce que vous allez vous économiser le shipping. Mais si vous êtes à l'extérieur de Montréal, je vous l'envoie par la poste. Quand je l'ai, dans la semaine, moi, je poste tout le vendredi. Fait Tu as que. une run un vendredi. C'est ça. Fait que, tu Une run par semaine. sais, c'est ça. Qui t'a fait aussi réimprimer la BD qu'on a faite l'an dernier, Roken. Ouais. Donc notre hommage, notre lettre d'amour à Evangelion avec des chats. Ouais. Fait que c'est disponible. Fait qu'on va mettre un lien sur la page Facebook, puis Ouais. on va te rendre riche et célèbre. Ah, j'aimerais ça. Pour vrai, là. Commandez-en le plus possible. Fait qu'un Chris, grosse année. Ben Puis, on a une autre BD en plus qu'on n'a même pas parlé. oui. Malheureusement, quand vous allez entendre ça va déjà être passé parce que, Ouais. ouais. Mais la ligne rouge qu'on Ouais. avait déjà parlé dans notre, oui, Ouais. fait que ça fait un an juste, là, Ouais. qui avait déjà été pré-publié dans le journal Métro de Montréal, donc la BD collaborative. Qu'on a eu avec le Conseil des arts de Montréal et la participation de Front Froid. Donc, moi, je co-scénarisais avec Olivier Jobin. Toi, tu faisais les storyboards. Ouais. Julien Paré-Sorel encrait et Olivier Carpentier la couleur. Donc, finalement, ça sort en livre physique avec quelques bonus et c'était bien. Ouais. C'est bien. Je pense qu'on l'a fait un peu en rush, puis travers la chaîne, puis maintenant d'avoir l'objet, puis de le regarder tout au complet, je pense qu'on peut l'apprécier encore plus. Ouais, moi je suis fier. Oui. Puis c'est l'affaire la plus grand public qu'on a faite, je pense, de notre Oui, vie, oui. hein, à date, là. Oui. Front Froid aussi, que ça arrivait souvent en événement que ah, c'est bien, puis ouais, peut-être 13, 14 ans et plus, puis fait que là, les parents partaient, puis on Ouais. avait. Moins d'argent dans la caisse. Ouais, mais là, tout le monde peut l'acheter, ça. Ben oui. Fait Puis, que... même si c'est pour tous, je veux dire, les adultes peuvent apprécier Oui, aussi, là. absolument. Oui. Puis, il y a des pénis C'est cachés jamais... dans Il dit, il y a un pénis caché dans BD. Il y en Ah. a plusieurs. Tu sais, ils sont où? Ouais, moi je sais. OK. Okay. C'est fucking drôle. Ça, c'est Julien. Hein. Ouais. Fait que c'est grand public, mais ouais, il y a quand même de quoi de trash caché à travers. Fait que les enfants, essayez de trouver les pénis cachés dans. Mais c'est tellement subtil, tu pourrais dire qu'il n'y en a pas. Là. Puis tu fais. C'est un peu une manie, toi aussi. Tu caches tout le temps, enfin, tout le temps en vulgarité, mais des petits clins d'œil, des petites choses que. Ouais. Qui sont pas tapes à l'œil, puis que ouais. Peu de gens vont remarquer. Là. Dans Turbo Kid, malheureusement, il n'y en a pas parce que les gens pouvaient payer pour avoir un caméo okay. dans la BD ou être tué dans la BD. Uh-huh. Fait qu'il y a des gens qui ont contribué financièrement au Kickstarter qui se retrouvent là-dedans ou non? Oui. Oui, ok. Oui, c'est ça. Mm. Fait que. Puis à cause de l'histoire qu'on avait, on pouvait pas mettre 10 millions de personnages. Mm-hmm. Donc. C'était assez limité les oui. clins d'œil que je pouvais faire. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est un projet que tu n'avais pas comme, totalement la main mise dessus. Là. Ouais, c'est ça. Mais mettons dans Amos, mm-hmm. Là, il y a du monde en tabarnak. Fait que dans Amos, il y a, il y a Roadkill, il y a les Mystérieux Attenants, il y a Ma Blonde, il y a Toué, okay. il y a Marie-Lune et Bastien, son fils. Ok. En plus, eux autres, c'est drôle parce qu'ils interagissent avec Amos directement. Il y a Francis Ouellet, il y a, bon, Roadkill, je l'ai nommé, fait que Yoann, Anouk et François. Mm-hmm. Et, bizarrement, je jouais beaucoup à Dark Souls pendant que je faisais Amos. Oui. Un jeu qui a un peu changé ma vie. Mm-hmm. Et j'ai caché dans Dark Souls, il y a des trucs qui s'appellent les bonfires, puis c'est comme tes save points, c'est oui. comme ton checkpoint. Mm-hmm. Et j'ai caché un bonfire okay. dans la BD. Donc, ben, ça se prête bien. Là. Donc, on peut s'imaginer qu'Amos s'est sévé dans ce coin-là avant d'affronter le boss final. c'est ça. C'est bizarre parce qu'on a fait beaucoup d'autopublications. Puis, ça. C'est la grosse différence, c'est qu'on fonctionne dans nos termes. Oui. C'est-à-dire, c'est nous autres qui s'imposent. À quoi ressemble le résultat final. Avec Amos puis avec Turbo Kid, ça a été particulier de travailler avec des gens pour ne serait-ce que le lettrage, la mm-hmm. mise en page, le design du livre. Ouais. C'est des affaires que moi, je n'étais pas habitué à laisser les autres s'en occuper. Mm-hmm. Fait que je pense que je suis pas trop chiant sur Turbo Kid, mais je pense que j'ai été très chiant sur Amos. On a dû refaire et refaire beaucoup d'affaires. Puis j'avais jamais réalisé à quel point c'est des éléments de finition, mais qui peuvent changer un objet complet. Non? Oui. On parle juste du lettrage, admettons, d'une BD. Mm-hmm. Ça fait partie aussi de l'art de l'œuvre. T'sais? Oui, dans le comic américain, puis je sais pas s'il y a ça au Japon, mais t'as des lettreurs qui sont crédités, mm-hmm. des gens qui font ça. Là. Ben oui. Puis, tu sais, des fois, des personnages ne vont pas avoir le même lettrage pour leur phylactère, ou mm-hmm. même les phylactères vont changer. Ouais. Puis c'est comme si ça donnait une voix différente. Mm-hmm. Fait que ça, c'était moins évident de travailler avec une équipe pour ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la BD. Je pense que ça va être bien cool. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, Chris. Ouais. On a rené en esti. Pour vrai, là. Ouais. Ouais. Bon, fait que voilà, la cave, ouais. C'est pas uniquement un show de publicité, d'autopublicité. Hein? Ouais. Ouais. C'est une discussion entre amis. Voilà, sur un thème et un sujet qu'on a connu dans le passé, c'est ça. Qu'on revisite pour votre plaisir. C'est certain qu'on va... on parle d'un film aujourd'hui. Ouais. C'est certain qu'on va faire quelques... qu'on va donner... quand même de l'information substantielle sur le film, qu'on va faire quelques gâcheux, mais le but, c'est pas tout de vous raconter, puis quand même vous donner le goût de fouiller pour trouver le film, et puis l'apprécier, ou y jeter un œil. Fait qu'aujourd'hui, on est allé dans les arts martiaux, mm-hmm. dans le Kung Fu, dans les années 70. Mm-hmm. Alors, on a Master of the Flying Guillotine. Mm. On pourrait mettre le thème là, de Grindhouse, ça. Voyons, ça c'est quoi? Tu sais, c'est le thème qui joue tout le temps avant les vieux films Grindhouse. Ok. Voyons, d'où? Mais ça joue avant Kill Bill, ça joue avant 10 millions de films. Ok. C'est aussi trompette. Oui. Ah, ok. Ben voyons, mais qu'est-ce. Cherche-le, tu l'incluras dans le montage. Pas de culture, tout le monde. Ouais. Ouais. Fait que, la question qu'on se pose toujours, c'est comment t'as connu ça, toi? Ben, c'est fucké parce que je l'ai réécouté. Je suis pas sûr si je l'ai déjà vu. Ah oui? OK. Parce que dans mon appartement qui était la cave avec G et Jesus... Ouais, non, c'est pas dans ça, là. On s'est fait un espèce de... On a eu des mois de temps qu'on écoutait tous les films d'Hong Kong qu'on pouvait trouver. Mm-hmm. Tous les films d'arts martiaux. Fait qu'à un moment donné, ça se blende tout un peu ensemble. Ouais. Je me rappelle qu'une semaine, on a fait comme tous les Jackie Chan. OK. Fait que... autant les Drunken Master que la Hyène Intrépide. Après ça, on est tombé dans le Jet Li. Après ça, tu sais que... Puis, je me rappelle qu'on a fait beaucoup de vieux films. 36 Chambers of Shaolin. Ouais, ça, c'est les Shaw Brothers. C'est ça. Puis, Flying Guillotine, je pense que je l'ai vu chez vous, mais je suis comme pas sûr. C'est ça. Je suis comme, je m'en rappelais plus. Parce que ça fait tellement longtemps, Chris, ça fait quasiment 20 ans, d'où. J'ai 34, là. Non, mais que... C'est ça, moi en fait, je me rappelle, je l'ai connu, je pense, dans le temps de l'université, que je... C'est ça, je quand prenais des films... à Sherbrooke? Oui, fait que je prenais des films sur Internet, puis j'étais comme beaucoup Asie, je veux connaître tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible. Ouais. Puis j'avais commencé à fouiller un peu dans le Kung-Fu, fait comme tu as dit, les Shaw Brothers, 36 Chambers of Shaolin, Come Drink With Me. Ouais. Puis là, je suis tombé là-dessus, puis c'est vraiment, tu sais... Au hasard, là. Mm-hmm. C'est juste que ça arrivait des fois que je pétais le maximum d'Internet puis il fallait que je paye au proprio un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'était vraiment arrivé de nulle part. Puis ouais, fait, c'est ça, j'essaie de me rappeler si je te l'avais fait écouter par la suite, mais si c'est ça, ça fait pas 20 ans. Mm. Ouais. Mais non, moi je me rappelle que je l'ai écouté quand t'habitais dans le CAF, je t'ai parlé. Okay, ben... On habitait tous dans une cave. Oui. C'est hot que ça, le show s'appelle la cave. Ben oui, c'est pour ça. How convenient. How convenient. fait que, ouais, c'est dans, moi, c'est à cette époque-là. Là, fait okay. que c'est tout un peu. Fait que je doute là. Quand même, parce que moi, j'ai pas de souvenir d'avoir écouté ça chez mes parents. Ok. Ouais. Puis l'autre lien, que c'était peut-être à cause de ça, c'est que dans ce temps-là d'université, j'écoutais, j'avais un... Pas tous les jours, mais j'étais comme dans un bout de... Emo-core, pas super bon comme musique. Puis, en tout cas... Ouais. Puis, il y avait un band qui s'appelait From First to Last. Puis, ouais. Je pense, une tune c'est... The One-Armed Boxer versus The Flying Guillotine, qui est ouais. un titre alternatif au film ici. Ouais. Fait que peut-être que par ça, j'avais fouillé, puis j'étais tombé sur « Ah, c'est un film, puis je vais l'écouter comme ça. Okay. » Moi, je me rappelle que c'est surtout Wu-Tang qui faisait beaucoup de références à des films de Kung-Fu. Oui. Ils ont tout le temps utilisé la métaphore, ben justement, leur album « 36 Chambers mm-hmm. » vient directement de là. Puis ils ont tout le temps utilisé les métaphores des arts martiaux versus le hip-hop. Okay. Fait que comment c'est... si on pense à l'album de GZA, Liquid Swords, mm-hmm. compare vraiment ça à des combats, mais où c'est les... j'allais dire les lyrics, les paroles. Ouais, les mm-hmm. paroles, le flow des mm-hmm. paroles qui se comparent à un art martial, okay. etc. Puis, c'est ça que je te disais avant, je pense que... Mais là, je suis pas sûr de ma shot, il faudrait vraiment que je vérifie. Mais je crois qu'à MTV, il y avait une émission où ils présentaient des vieux films de Kung-Fu et d'arts martiaux. Puis Wu-Tang faisait du commentaire par-dessus. Okay. Puis ça passait à MTV. Mais je sais pas si c'était un special qu'ils ont fait ou si c'était quelque chose qui était récurrent ou... Si c'est un peu embrouillé dans ma tête. En même temps, je peux pas imaginer qu'il passe le film au complet commenté. Ben, c'était peut-être des extraits de films. Il me semble qu'il y avait du montage là-dedans. Okay, ouais, ouais. Puis il y a eu une BD de Wu-Tang aussi. Ok. Sûrement plus qu'une. Ben, c'était une série de comic books. Ça n'a mm-hmm. pas full pogné. Il y a un jeu de fight et tout. Puis c'était constamment des références à oui. ces films-là. Ok. Si je reviens juste à From First to Last. Est-ce que tu t'en rappelles un peu, Je me rappelle très bien. OK. Il y a une toune que j'aime beaucoup. OK. Avec le bass drum. OK. Ouais. C'est-tu laquelle que je parle? C'est la toune avec le bass drum. Ouais. Mais petite question, je te ferai pas C'est pas le chanteur original, c'est un chanteur invité, genre. OK. C'est ça. C'est ça. Ok. Mais c'est ça. Je veux pas faire un quiz, mais juste le chanteur. Ouais, c'est pas bon les quiz. Le chanteur du temps, parce que maintenant, je pense qu'il compte un record, puis il y a un autre chanteur, mais on s'en fout. Ok. Sais-tu qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Il fait encore de la, il fait encore de la musique pas bonne que j'aime pas, mais différente. Ok. T'as aucune idée? J'ai aucune idée, man. Le chanteur du temps de ce temps-là, de tout, tout, tout, tout, ouais, ouais. C'est devenu Skrillex. Ah, ouais! Ouais. Ah, mais moi j'aime ça, Skrillex. Ah, ouais? Ouais. Ah. J'ai déjà fourré sur du Skrillex. C'était hot. C'est vrai? Oui, du, du, du. En tout cas, ouais. ça se résume à ça. Ben, moi, je n'haïs pas ça. OK. Mais ouais, il était dans First to Last, lui. OK. Ben, au moins, il n'est pas devenu genre un prêtre ou un chanteur de zéro. Qui était ouais. prêtre et non pédophile, là, on précise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis tombé, c'est drôle parce que c'est une petite référence à notre dernier épisode sur le New Metal. Mm-hmm. Je suis tombé. Par hasard, complètement. Tu sais, des fois, YouTube te suggère des vidéos. Oui. Puis, j'ai rien écouté de Korn dans les, genre, 10 dernières années. À part l'émission de la dernière émission. Ouais, mais là, il m'a pitché une entrevue de Korn. Puis, j'ai fait, ah! Puis, j'ai commencé à l'écouter. Puis, j'ai fait, est-ce que je m'en crisse? Je l'ai arrêté. J'ai fait, tu sais, ça fait genre 8 albums qu'ils ont fait que j'ai jamais écouté. C'est une entrevue récente, là. Ouais. OK. Puis je m'en crissais trop pour même finir la vidéo. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais Deftones ont sorti un album dernièrement. Mm-hmm. Et ils ont sorti une toune en promo sur, justement sur YouTube et ça. Puis celle-là, je l'aime beaucoup. Okay. Triangles okay. de Deftones. C'est une bonne toune. Okay. Je l'ai aimé. Alors, on s'en va pas écouter Triangles de Deftones. On peut peut-être juste faire un petit résumé du film, mettre une toune, puis y aller après ça. Vas-y, vas-y. Okay. Tu veux une bière? Non, ça va, on va attendre la toune, mais tout de suite. Non, OK. Donc, peu importe ce que j'allais te répondre. Ouais. Fait que Master of the Flying Guillotine, film de 1972, réalisé par Jimmy Wang Yu, qui tient aussi un rôle-titre dans le film. Donc, comme tout bon film d'arts martiaux, ça met en scène deux gars qui veulent se taper dessus, finalement. Mm-hmm. Mais là, il y a plusieurs personnes qui veulent se taper dessus. Oui, mais on se concentre sur eux, du début à la fin. Mm-hmm. En fait, c'est un... C'est une suite? Oui, il y a eu un film avant que j'ai pas vu, mm-hmm, qui a un petit lien narratif, justement, qu'à la fin du film, justement, là... Pas clair vraiment s'il y en a un qui est héros ou antagoniste, mais de la manière qu'ils sont présentés, il y en a un qui clairement nous apparaît plus pur, plus sain, mm-hmm. et non meurtrier. Ouais. Donc cette personne-là, à la fin du premier film, apparemment avait tué les deux disciples de l'autre personne. Ouais. Et l'autre personne qui se sert du Flying Guillotine, ouais. Qui est une arme... qui est relié à une corde, et en fait, ça va sur la tête des ennemis, ouais. et ils tirent dessus, et ça les décapite. Ouais. En plus de ça, à la circonférence de l'arme, il y a plein de lames, alors ça peut causer beaucoup de dommages. C'est un peu comme un yo-yo ouais. pour adultes. Ouais. Ouais. C'est hot quand même. Ouais. C'est vraiment hot. Ouais. Fait qu'essentiellement, c'est celui dont, avec l'arme de Flying Guillotine, qui veut retrouver l'autre, qui enseigne les arts martiaux et qui a un bras, donc le One Arm Boxer, pour le tuer, pour venger ses deux disciples. Ouais. C'est ça. C'est pas mal, ça. À travers ça, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans l'histoire. Oui. Parce que c'est ça qui est drôle. L'emphase est vraiment mise sur le combat. Mm-hmm. Puis l'histoire, le mot dit que ça passe vite. C'est genre une phrase, puis si tu l'as manqué, on continue pareil. Puis t'es comme, OK, mais là, pourquoi lui, il est là? Okay, c'est pas grave, on s'en glisse, OK, go! Fait que c'est ça. Mais voilà, c'est j'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'en as pensé avec le recul et tout. Fait que on met une toune, puis on se retrouve. OK, tu vas être au début ou à la fin? Vas-y. Ouais? Ouais. OK. Bizarrement, ça va être c'est pas d'origine orientale ce que je vais mettre, mais je trouve ça fit très bien dans un film de kung-fu et on va voir tantôt que la musique est quand même différente des choses plus traditionnelles. Fait que Ten Day Interval de Tortoise. Thank you. Tu l'écoutais en mandarin, en chinois? Oui, je pense que c'est cantonais. C'est cantonais. C'est ça, parce que c'est pas un film de Hong Kong. Oui. Oui, t'es sûr? Oui, oui. Parce que moi, j'ai checké sur le Wikipédia, il était marqué « Taiwanese ». Mais, tu sais, bon. Non, je pense que... Ça, c'est très Hong Kong comme production, là. Peu importe si ça a été produit par quelqu'un d'autre, je sais pas, là. C'est dans la tradition des films de la Shaw Brothers, vraiment, là. Oui, en fait, je pense que c'est arrivé un peu après. Je connais pas, je suis loin d'être un expert là-dedans. Ouais. Faudrait demander à Tarantino. Il dit que c'est un de ses films préférés. Ouais. Ever. Et sûrement qu'il a utilisé ou rééchantillonné certains éléments dans ses films. Ouais. Ben, entre autres, les effets sonores. Ouais. Qui sont comme des bruits quasiment surréels de science-fiction là, par moment. Là. S'il y a quelque chose qui se pitch, ça fait. Mais avant ça, comme dans beaucoup de films d'arts martiaux, dans les Shaw Brothers et les autres, ce qui est typique d'un film d'arts martiaux, c'est les sons justement quand ils se battent. Là. Ouais. C'est, il faudrait quasiment avoir un micro, mais. Ça, c'est ça. Du déplacement d'air. Ouais, mais c'est ça. Ça fait des explosions. Même quand il se bat pas, il fait son kata seul. Pis juste. Ouais, ouais. Fait que ça, il est... c'est le fun. C'est hot. Moi, je trouve ça super hot. Je trouve que, tu sais, justement, j'aime ça quand que je lis un manga, quand que les onomatopées font partie du dessin. Là, ouais. Ben là, le son fait partie du mouvement. Ouais. C'est tellement gros que ça explose. Tu sais, il casse le mur du son juste en tassant son bras. Ça l'amplifie, ça donne une autre dynamique. Mais... Vraiment, ouais. Penses-tu que du monde qui ne savent pas se battre, puis tu fais comme juste une scène, puis tu rajoutes ça, puis... Ben, ça rend pas crédible, mais ça dynamise. Ben, c'est sûr que ça dynamise, parce que, tu sais, il y a eu la mode des shreds, puis qui était comme de prendre quelque chose, puis d'enlever, mettons, un vidéoclip de musique, d'enlever toute la musique, puis d'essayer de répliquer le son qui se passe pour vrai. Fait que, mettons, un de mes préférés, c'est genre Elvis. Mais en drôle. Mais t'enlèves toute la musique, puis tu fais juste entendre ces choses qui glissent. Bon, mais c'est sûr que tu préfères un shred de Flying Guillotine, puis ça se réveille, genre tabarnak. Parce que le son, c'est quasiment un personnage tellement que c'est intense. Ça fait partie de l'univers. Tu sais, t'enlèves ça, t'enlèves comme une grosse partie de l'univers. Tu sais. Ça, c'est ça aussi qui crée une distance. Tout a de l'air surréel un peu à cause de ça. Puis, ouais, c'est ça. Moi, il y a des affaires que j'ai pas catchées au niveau du scénario. Genre, j'avais vraiment de la misère à suivre. Parce que, premièrement, t'as fait un super bon synopsis, puis c'est vrai que ça tourne autour de deux personnages. Oui, c'est ces deux-là qu'on est présenté dès le début. Entre deux, il y a une longue, très bonne scène. En fait, c'est un tournoi d'arts martiaux qui regroupe différents combattants de différents styles. Puis, dans le tournoi, il y a au moins 7-8 combats faciles. Oui. Oui. Donc, avec tout le temps deux combattants différents. Oui, puis ça finit la plupart du temps qu'il y en a un qui meurt à la fin. C'est ça. Fait que, tu sais, à travers le film, il y a au moins, là, en moyenne, là, quasiment une vingtaine de personnages. Puis je pensais à ça en écoutant le film, je serais comme, Chris, que ça me tenterait de faire du fan art de tous les personnages. Parce qu'ils sont tous plus grands que nature. Ils ont tous un petit quelque chose. Puis on sait que c'est des films comme ça qui ont beaucoup inspiré Street Fighter. Il y a un personnage qui rappelle Dalzim d'ailleurs, mais il y en a plusieurs. Tu sais que dans Street Fighter aussi, c'est ça qui est brillant, c'est qu'ils ont tous une qualité unique qui les différencie de au-delà de la nationalité. Là. C'est ça. Oui. Par les attributs, les special moves, c'est ça. Le personnage dont tu parles, c'est un Indien que je pense dans le film. Point d'Indien, je pense. Ouais, ils ont comme maquillé un peu de blackface. Puis... Ouais, mais il est peurant, il est freaky. Ouais. Puis en fait, ça Sa spécialité, c'est qu'il peut allonger ses membres, donc ses bras allongent et il s'en sert comme arme, Ouais. là. Ouais. C'est tout très ridicule, mais en même temps, quand tu embarques dedans, Oui. Puis que je pense qu'il faut le traiter vraiment, tu sais, comme du point de vue imaginaire, là, beaucoup plus comme un cartoon stylisé. Oui. Tu sais, il n'y a rien qui essaye d'être réaliste là-dedans. Au contraire, il essaie tout le temps de pousser une nouvelle idée créative pour pas rendre un combat normal, entre guillemets. Ouais, pour tout le temps surprendre le spectateur, C'est ça, il y a tout le là. temps quelque chose. Donc, si, mettons, un fan de films d'arts martiaux trippe vraiment sur la chorégraphie puis le réalisme, c'est pas pour vous autres. Si quelqu'un d'autre trippe bien plus sur justement le côté créatif des combats, Il va être étonné, il veut voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a tellement d'idées là-dedans que tu pourrais en prendre une, juste une de ces idées-là, puis faire un film complet autour de ça, là. Oui. Tellement que c'est poussé, là. Je pense que pour ça que ça marche, tu sais, c'est tellement loufoque puis goofy, mais assumé, puis ils vont avec ça, puis ils ne pourraient pas prendre cette même tangente-là, puis dire non, non, on est sérieux, puis on se croit, puis là, ça tomberait là. Parce que même dans les autres films d'arts martiaux un peu plus typiques, sans être totalement sérieux, il y avait tout le temps une part de faux réalisme, de plus grand que nature, là, justement. Ouais. Là. Ouais, puis ça, Ça, sauf que là, on le pète à 200%. Exact. Puis c'est ça, en fait, qui fait que ce film-là, il est aussi incroyable. Puis c'est surprenant comment que ça l'a influencé la culture à cause de justement cette idée-là de personnages cartoon qui se battent ensemble. Je veux dire, si on a parlé de Street Fighter tantôt, mais on pourrait nommer tous les jeux de combat tournent autour de ce concept-là, tu sais. Le personnage de Flying Guillotine, que je me rappelle pas son nom malheureusement. Ben, ils disent pas vraiment son nom souvent, mais ben, ça coule quand même à l'oreille. C'est Fengsheng Ruyeur. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Hey, il est hot en esti, ce personnage-là. Premièrement, comme Daredevil, il est aveugle. Et ça, c'est un point, man, que. Je sais pas si tu vas rire de moi, mais moi je trouve ça hot. Les deux protagonistes principaux sont handicapés tous les deux. Oui, ils ont des avantages. C'est ça. Puis je trouve que c'est tellement brillant comme idée de se servir d'un handicap pour rendre le personnage encore plus grand que nature. Donc au lieu d'être juste un personnage handicapé, de voir tout ce qu'il est capable de faire, ben il devient un handicapable. Non, mais ça les rend, c'est ça, ça les rend encore plus hot. Puis moi, en tant qu'handicapé, ben je relate. Je suis capable de faire comme ouais, man. Vous autres aussi, on peut vous péter à la gueule. C'est vrai. T'as-tu vu ça dans un vieux show handicapable? Non, c'est Israël, mon ami Israël, il y a un band punk. Puis ça s'appelle Capable. Puis il était comme si t'avais été dans notre band, on s'aurait appelé les handicapables. Je trouvais ça trop. L'album est disponible sur Bandcamp. Capable. Handicapable.bandcamp.com. Ouais. Ouais. Je sais que j'ai juste un autre flash d'un film beaucoup plus crasse de Kung Fu que. Je pense qu'il y en a un. C'était deux personnages, puis je pense qu'il y avait un personnage qui avait pas de bras, puis l'autre pas de jambes, puis ils étaient attachés ensemble, puis ils faisaient des choses. Mais Ouais. Ouais, ça, je c'est pense que super sexy. en anglais, ça s'appelait The Monsters of Shaolin, je pense. Que ça, c'était un freak show ambulant. C'est Hein. ça. C'était vraiment ça, mais c'était hot en même temps, c'ti, parce que faut comprendre que l'univers est tellement surréaliste qu'il y a plein de moves que normalement, ça fait pas mal. Sauf que de la manière qu'il l'apprête, tu comprends que, mettons, je sais pas, tu sais, comme il y a un moment donné, il y a un personnage qui fesse dans le ventre d'un autre personnage, dans Flying Guillotine, et l'autre fait juste comme faire ressortir son ventre, puis la personne qui l'a frappé en revole à l'autre bout. Oui. Tu sais, on sait très bien que si t'écoutes ça marche pas le de UFC, n'y a personne qui va projeter quelqu'un ouais. d'autre avec sa bedaine. Ouais. Mais dans cet univers-là, ça fonctionne. Ouais. Comme faire spinner un couteau au bout de tes doigts, tu peux pas couper quelqu'un de même. Le couteau va revoler mmh. sur la peau. Il n'y a pas assez de force. Sauf que là, si on le traite d'une manière vraiment fantaisiste, mmh. Quasiment animée, ben évidemment, ça devient une petite guillotine qui tourne, puis ça devient une arme genre mm-hmm. ultra dangereuse. T'sais. C'est ça, c'est les codes du genre. Il absorbe, il se protège, il redonne l'énergie, tout va. Tout est l'échange. Ouais. T'sais, c'est ça. Puis ce que tu parlais avec Wu-Tang tantôt, je pense que c'est avec ça que j'imagine qu'il y a plus qu'un chanteur qui se relance. Puis... Ouais. Ça. Ouais. Mm. Puis c'est ça, c'est que. Fait que, ouais, le bout du tournoi. Oui. Il n'y a pas rapport dans le film. Ben, moi, tout le long, j'étais comme, attends, j'ai manqué de quoi, là? Chris, c'est quoi, là? Pourquoi, là? Ben, c'est un... Puis dans le fond, c'est... Ouais. Ceux qui organisent le tournoi, en fait, c'est un des deux personnages principaux, celui avec juste un bras, le one-arm boxer. Ouais. Il y a une école ouais. d'arts martiaux. Puis ceux qui organisent le tournoi, ils organisent un peu le tournoi pour la Medway, pour qu'ils participent. Finalement, ouais. il vient seulement qu'en termes de spectateur. Ouais, spectateur. Ouais, parce qu'il est très pur, puis il dit à ses élèves, non, on va pouvoir apprendre d'autres méthodes, d'autres types de combats. Ouais. Fait qu'il décide de ne pas participer. Puis finalement, ben, ça l'attire, le Flying Guillotine. Ouais. Pour se rapprocher. Ouais. Donc, dans le tournoi, il y en a plusieurs. On parlait de Street Fighter avec Dalsim. La plupart, c'est des Asiatiques, évidemment. Mm-hmm. Mais comme le Godline, que clairement, c'est un acteur chinois qui a ouais. arrangé, il y en a un autre qui personnifie un Thaïlandais qui fait du Muay Thai. Ouais. Donc, une technique de combat beaucoup plus à la base de coups de pied, de coups de genou. Mm-hmm. Puis, ça, c'est un peu pas le petit comic relief cabochin, mais il est moins pur. Hein. Ouais, puis c'est le seul qui a une trame sonore associée à ses moves. Ouais, puis ça, c'est purement traditionnel. Tous les combats de Muay Thai commencent. Où on a ce petit rituel-là de petites chansons, petits thèmes musicaux, une espèce de flûte ou trompette stridente, un petit peu gossante. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça fait penser, tu sais, à genre les hypnotiseurs de serpents. Ouais. C'est ouais, genre ouais. très. Je sais pas comment le décrire, mais. Ouais. ouais. Et si vous vous demandez c'est quoi le Muay Thai, puis vous avez vu Unback, ben c'est ça le C'est ça. Exact. Puis, bizarrement, il y a une physionomie comme. Drôle, tu sais, sa face. Ouais. On dirait vraiment comme un James Brown Jr. Là, ah ouais. mais... C'est vrai. C'est vrai, ouais. Fait que lui, avant le tournoi, il va voir le maître de tournoi pour dire pourquoi je peux pas participer. Puis finalement, il dit que c'est juste, je peux pas garantir ta sécurité vu que tu viens d'un autre pays et tout ça. Puis finalement, il bat tous ses disciples et il dit « Ok, t'es assez bon pour, ouais. pour mourir. » Mais on en voit plein dans le cadre du tournoi. Puis même au sens visuel, je pense que j'essaie de remonter mes souvenirs. Puis tu te rappelles de Big Trouble in Little China? Ouais. Là, je pense que c'est vraiment une des premières expositions avec peut-être Histoire de fantômes chinois, toute cette esthétique-là. Ouais. Donc le personnage de l'éclair avec le chapeau ouais. Qu'on peut faire un lien direct avec Raiden. Ouais. Lui, c'est un japonais, si okay. je ne me trompe pas. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il y a plein de codes esthétiques qu'on retrouve là-dedans. Ouais. Lui, c'est un des personnages les plus cools. Là. Ah ouais? Ah, je trouve. Là, c'est, on parle... triche. Oui, oui, je le sais. Non, mais je parle pas genre cool dans le sens. Ok, il a l'air cool. Il est pas cool. Son il a l'air esthétique cool. est okay. super cool. Okay. T'sais, justement, le chapeau à la Raiden avec le kimono noir et les deux ronds blancs genre okay. sur les épaules. Mm-hmm. Tu sais, ça réfuté là, qu'il sortait un esti de katana. Ouais. Je pense qu'il se bat comme avec c'est son arme. Ben, il se bat avec les espèces de bâtons que ouais. les policiers utilisent. Là, ouais, que... c'est le genre de matraque. Là. Ouais, mais non, avec l'espèce de L qui permet de bloquer. Puis de... Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Mmh. Je suis sûr. Tu sais, je pensais à ça, là, puis j'étais comme, Chris, que ça ferait un bon manga. Hein. Parce que, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé en plus dans le podcast. Juste le tournoi ou tout? Tout. Tout? Ben oui. Ben oui. Ben oui, comme tu disais tantôt, il y avait comme une idée, tu Ben pourrais faire oui. une histoire, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que j'en avais déjà parlé aussi ici. Ma fascination pour Dragon Ball, c'est pas juste oh, sa puissance dépasse 3000 points, puis je vais faire exploser la planète, mais c'était vraiment la chorégraphie des combats, puis comment c'était découpé. Puis justement, dans Dragon Ball, une des grosses affaires, c'est les tournois qui arrêtent pas d'en venir. J'étais comme une BD avec un découpage comme ça, mais des personnages aussi éclatés que Flying Guillotine, ça serait tellement hot, t'sais. Puis une des affaires aussi que j'aime beaucoup, c'est. Puis ça, c'est souvent oublié dans les combats, c'est l'environnement. Comment que l'environnement peut être un joueur dans le combat? Puis je sais pas si tu te rappelles, dans le tournoi, à un moment donné, il y a comme des bouts de bois qui Oui, parce dépassent que du sol. pour l'instant, le tournoi, c'est juste une grande étendue de sable sans équipement, sans rien. Tu as les spectateurs, tu as le maître de jeu, puis c'est ça. Puis c'est ça, à un moment donné, il modifie le terrain pour justement mettre des genres de poutres de bois. Oui. En fait, les opposants, les gens qui participent sont un peu tirés au sort. Puis il y a comme une gang à gauche, une gang à droite. Fait qu'ils sortent un par un, tel contre un tel. Je pense que c'est un justement qui dit qui pointe là-bas, puis moi je veux ça. Ouais. Puis pour mettre le challenge encore plus haut, ils mettent des lames. Entre les morceaux de bois. Donc, si tu perds équilibre puis tu tombes, ben, tu tombes dans les lames. C'est ça. Puis juste ça, là, ça ajoute tellement, man, au combat. C'est pas un combat extraordinaire, mais à cause de tout ça, ça rajoute un facteur. Genre, le premier combattant saute sur les. C'est pas des bambous, là, mais ça ressemble à ça un peu, là. C'est des pièces de ouais, circonférence comme limite pour tenir ton pied là. C'est ça. Mais tu sais Puis là, le deuxième combattant, lui, il saute, mais il saute debout sur les lames. ouais, pour Fait, prouver pour qu'il est prouver tough. qu'il est bien tough. Puis juste ça, tu sais, c'est con, là, mais il y a une histoire là-dedans. Ça vient de raconter quelque chose. Puis tu sais, le combat, il n'est même pas commencé encore. Fait que c'est ça la force de ce film-là. C'est à travers plein d'affaires de même, justement, comment l'environnement joue beaucoup sur le combat de la fin. Tu sais, c'est des trucs que normalement, genre, tu sais, ça me fait chier. Là, je vais faire peut-être un lien vraiment par rapport. Une des affaires qui me gosse dans les films de Marvel, c'est ça. Les personnages sont super hot, les effets spéciaux sont super hot, les idées derrière sont super hot, mais je vais le dire en anglais, là, the scenery, tu sais, l'environnement Contribue pas. contribue pas jamais à rendre ça plus hot. Le meilleur exemple, c'est Civil War. Le dernier trailer, tu regardes la grosse confrontation. Ils sont d'un pour fucking ça que t'avais dit au parking. spécial Noël et mystérieux, C'est ça, ils sont d'un parking d'aéroport. T'es comme, c'est pas cool, ça. Mettez-moi, man, deux combattants sur un toit de temple, c'ti qui est en feu. Je parle pas pour Civil War, mais comment que ça ajoute beaucoup au combat. Ouais, mais rendu là, c'est des artifices, c'est quelque chose qui peuvent juste être des distractions dans le Cop Flying Guillotine avant, à part le combat qu'on vient de parler avec les bouts de bois puis les lames, c'est uniquement les combattants, c'est juste une pièce, un endroit comme super espacé, du sable, puis Ça, c'est pour le tournoi. c'est le combat qui est à l'honneur. Ouais, ça c'est vrai, c'est pour le tournoi. Mais je pense à plein d'autres films de Kung Fu ou de... T'sais, je pense qu'il y a un animé que j'aimerais ça qu'on fasse le review un jour qui s'appelle The Curse of the Undead Yoma. Puis c'est l'histoire, c'est vraiment, là, ça joue beaucoup avec le folklore japonais, les démons, etc. Puis c'est l'histoire d'un ninja qu'il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre pour l'exécuter. Puis qui bon. Puis un des premiers combats là-dedans commence dans une forêt. Après ça, s'en va genre dans une rivière. Puis finalement, fini dans un genre de champ de blé où c'est que le blé t'arrête aux épaules. Puis juste ça, de voir le combat traverser tout ça l'ajoute tellement à la tension. Puis aussi, comme la prouesse des guerriers, parce qu'il Il y a une petite différence entre te battre, justement, d'un aréna et d'un tas de boîtes. Ouais, comme on disait dans quand on parlait de Ninja Scroll, je pense que l'environnement peut autant jouer pour le personnage et contre lui. Ben oui, c'est ça. J'ai réécouté en partie notre émission sur Ninja Scroll. Ok. Je pense que c'est notre meilleur. Juste les bouts que tu parlais. Puis... Non. C'était 80% dans le fond. En fait, j'ai écouté comme la première moitié, puis uh-huh. On est bon, je me suis endormi. Okay. Ben ouais. Pas parce que c'était plate, uh-huh. Parce que j'écoutais ça avant de me coucher. Ben. Chris, il est bon. On était contents. Je pense. Il était, c'est notre meilleur. Ouais. Alors, ouais. Mais c'est parce que. C'est parce que. Pèsez stop, allez réécouter l'épisode, c'est déjà drôle. Non. Ouais. Non, mais je sais pas, je me sens. Je sais que tu parles plus, puis j'avais pris comme résolution de prendre plus de place, mais je sais pas, je me sens rouillé, puis ça fait longtemps, mais je suis content quand même d'être là. Ben oui. Pour en parler. Fait quoi ouais, l'environnement? Toi, tu l'as écouté dans quel contexte? Quand tu l'as réécouté? Hein? T'étais tout seul chez vous? Oui, ben récemment, c'est ça. Je l'avais découvert, comme on disait. Je l'avais pris sur Internet. Je me suis commandé le DVD il y a quelques mois pour le redécouvrir. Puis c'est ça, tu sais, c'est tellement le fun puis divertissant comme expérience. Ouais. Fait que. Bon, est-ce que c'est un film, d'après toi, qui s'écoute genre en gang? Oui. Ouais. Hein? Oui. C'est ça, je me demandais oui. Tantôt. Tu sais, il y a des films qui gagnent beaucoup à écouter en gang avec oui. Une bière, tu sais. Ouais, ou l'espèce de même expérience euphorique qu'on a à Fantasia avec les films qui se portent à ça. Ouais. Ouais. Je pense que, tu sais, l'avoir. Si j'en réécouterais d'autres, parce que ça m'a vraiment donné le coup mm-hmm. de me faire un genre de marathon, mais c'est vrai que tout seul, un moment donné, il manque quelque chose, on dirait. T'sais, c'est mm-hmm. quasiment comme un match de lutte. Là. Tu mm-hmm. veux crier quand que un personnage sort une nouvelle technique ou mm-hmm. quand un revirement, tu veux faire comme « Yeah! Mm-hmm. » C'est comme un peu des films de kaiju, là. Mm-hmm. Quand on en écoute en gang, mm-hmm. c'est tellement plus le fun que d'écouter ça mm-hmm. tout seul dans ton divan. Mm-hmm. Ou quand tu connais déjà le film, c'est intéressant de voir la réaction des gens pour qui c'est nouveau. Ben oui, vraiment. Fait que tu sais, ça, c'est peut-être quelque chose que je mentionnerais pour le monde qui écoute le show. S'ils veulent écouter le film, mm-hmm. C'est sûr que tout seul, chez vous, dans ton salon, il va peut-être manquer un petit élément de... Non, vous allez apprécier, c'est juste que ça peut être contagieux, ça peut ouais. aider. Mm. Puis tu sais, il y a beaucoup de films... que moi j'aime que ça s'écoute crissement mal en gang. Mm-hmm. Irréversible. Irréversible, c'est un très bon exemple. Fait qu'il y a des choses, c'est ça, qu'on écoute en gang. Il y a des choses qu'on écoute seul. Flying Guillotine, c'est clairement un film à écouter en gang. Tous l'écouter en version originale. Oui. Sur le DVD, y a-tu la version traduite aussi? Oui, il y a la trame anglaise. Puis de ce que je comprends, c'est que le film a été un peu perdu dans les limbes pendant une couple d'années. Il n'y avait comme plus de copies physiques, de print. OK. Puis finalement, ils ont pu en retrouver, en sauvegarder. Fait que l'édition G, il y a quelques minutes additionnelles, puis tu vois vraiment quand ça change de print, puis la qualité est moyenne, mais c'est ça, c'est pas... pas dans des coffres d'Indiana Jones tout ouais, protégé. Ouais. Fait que gloire aux gens d'Hong Kong qui ont protégé ça pour notre grand divertissement. Moi, je l'ai écouté en anglais mm-hmm. parce que je trouve qu'il y a un charme dans la ouais. traduction. Ouais, je l'ai déjà écouté en anglais, puis ouais, c'est bien. C'est vraiment cool. T'sais, c'est encore une fois, les voix sont comme tellement exagérées. Mm-hmm. C'est plus grand que nature. Fait que, tu sais, ça rendu là, c'est ça dépend des goûts, là. Tu sais, je pense même que, tu sais, il y a des gens qui font ça des fois, là, qui vont genre faire un party puis qui vont juste mettre un film en background là, pour ouais. que genre le monde prenne une bière. Tu sais, le film il est sur mute, il y a de la musique en même temps, okay. mais à chaque fois que tu sors vite, tu fais comme what the fuck. Mm-hmm. C'est aussi un film que je pourrais penser que ça prête à ça. Tu sais, évidemment, tu vas ouais. pas découvre pas le film comme ça, mais c'est un genre de film qui peut être le fun d'un party. Moi, j'ai beaucoup aimé les séquences. Ça arrive, je pense, trois fois dans le film où il y a un filtre de couleur par-dessus toute l'image. OK. Donc, Pas en transition entre deux plans, deux non, séquences, genre non? une scène OK. comme ça. Fait qu'il y a le générique d'intro où on Ah part oui. plein de couleurs différentes. Oui. C'est super éclaté. Moi, j'adore ça. Mm-hmm. Puis après ça, il y a la scène du flashback où il se Oui. rappelle. Puis là, tout est rose. C'est ça, fait que c'est un gros délavé, comme t'as perdu deux de tes couleurs primaires quasiment. C'est ça, Là. ouais. Mais c'est voulu, là. Ça, Ouais, puis ça marche. ça marche au bout. Ouais. Je trouve que c'est des genres d'effets de même. T'sais, on avait déjà parlé avec le film de Femme en prison, Ouais, ça sourit. là. Ouais, comment que. Oh, je trouve qu'on a perdu cette espèce d'audace, là, du surréalisme en cinéma, d'aller vraiment ailleurs, pas juste de faire du CG léché, mais de. Fucker la pellicule, de crisser des filtres par-dessus, de pas avoir peur des grosses couleurs primaires. Ouais, puis tu sens qu'avec Flying Guillotine, c'était pas, il y avait beaucoup de cœur, mais peut-être pas tant de moyens que ça. Puis je Ouais. pense que c'est filmé un peu à va-vite, puis les close-ups de caméra un petit peu ébranlés. En même temps, il y a des super bons plans. Tu sais, je pense. Puis je sais pas à quel point c'est voulu. Il y a des fêtes qui sont peut-être moins intéressantes que d'autres. Mais qui sont filmés de manière super intéressante. Fait qu'il va tout le temps avoir un objet dans le premier plan, puis tu sais que c'est juste de l'exploration, puis c'est juste le fun, tu sais. Ouais, ça commence à se renouveler avec peu de moyens ou les moyens que tu as, C'est ça, justement. tu sais, justement de filmer à travers des bambous pour révéler quelque chose dans le background qui est dans le fond le focus de la scène. Tu sais, des affaires de même là, c'est crissement poussé, puis c'est vraiment c'est le fun, puis tu te rends compte que il y a pas beaucoup de gens qui font du cinéma de même dans le fond. Que malgré le fait que ça, oui, ça a marqué la culture populaire, puis les jeux vidéo, puis etc., il y a encore d'autres idées cinématographiques là-dedans qui n'ont pas été exploitées pendant tout le temps. Sens-tu que les producteurs et réalisateurs aujourd'hui, avec qui ont pas mal de ressources, devraient ou pourraient apprendre de situations qu'on leur donne des contraintes puis qui sont laissées au strict minimum? Ben, je pense que, en fait, puis ça, c'est un gros truc, là, t'sais, grosse discussion qu'on va essayer de passer vite, là. Ouais. Mais je pense que c'est dans le fond, c'est de redonner le pouvoir à l'artiste. Aujourd'hui, tout est fait avec des focus group, puis des producteurs qui disent comme ça pogne, ça pogne, ça pogne. Donc, essayer de plaire au plus de monde possible. Une fois de temps en temps, il y a des exceptions. Je pense que Mad Max, Fury Road, le dernier, c'est une de ces exceptions-là. C'est une des raisons pourquoi les gens ont tant trippé ce film-là, c'est que tu sens qu'il n'y a pas de compromis. Tu sens que c'est une vision d'un gars, puis c'est exactement ça qu'il voulait faire. Ouais, puis tout le monde a adhéré à cette vision-là. Ouais, exact. Mais je pense que tu sais, aussitôt que tu as une vision qui est intègre, puis un travail derrière qui est bien fait, tu sais, oui, il y a des affaires qui ont plus de succès que d'autres, mais. Aussitôt que c'est personnel, puis c'est quelqu'un, ben ça a une identité. Puis tout de suite, ça devient plus intéressant. Peu importe sur quel genre de cinéma tu tripes, si tu vois quelque chose que tu sens qui est vrai, ben tu sais, ça va t'interpeller. Je pense que c'est normal. Si tu vois quelque chose est tellement dilué, puis tellement fake, puis on va prendre ce type de personnage-là parce que c'est ça qui pogne, puis là, aux nouvelles, il y a eu ça, fait qu'on va intégrer ça, ben tu sais, tu le sens que c'est de la bullshit. T'sais, tu le sens que c'est. C'est pas la vision de quelqu'un, c'est juste un amalgame de plein d'affaires pour plaire à plein de monde, finalement. J'ai pas vu les derniers Transformers, mais c'est un bon exemple de ça. C'est quand même. Je pense que c'est un peu la même réaction qu'on a eue quand on avait bien aimé The Matrix. Quand on l'avait connu dans le temps, quand ça sortait, Ouais, mais c'était ça, dans mais le ça. temps. Puis toi, t'étais pas là, mais j'étais avec J, puis Louise au cinéma voir la suite, le deuxième film. Ok. Puis on s'était dit, OK, le producteur est arrivé, puis il a dit, change ça, change ça. Ah, C'était notre perception de ça, vu qu'on était tellement pas satisfait. ouais, la Matrice 2 et 3, je les ai juste vus une fois chaque et c'était au cinéma. Fait que je les ai jamais réécoutés. Mais je me rappelle que dans le 2, j'avais eu un gros malaise. Parce que là, il y a une séquence d'un rave qui est comme dans le vrai monde, là, dystopique au bout. Donc Puis, comment parallèlement à ça, t'as Keanu Reeves, ce personnage de Neo, qui fourre Ouais. avec Trinity, Sont comme un homme des cavernes. mais c'est tellement long, c'est tellement développé que ça se rend jusqu'à l'orgasme. Puis là, tu sais, tu fais comme ça fait 15 minutes, j'écoute la matrice, puis je vois un rave entrecoupé de gros plans de la face de Keanu Reeves qui a un orgasme. Il me semble que c'est pas pour ça que j'ai aimé le premier film. Il me semble que c'était pas ces deux éléments-là ensemble qui créaient un bon film. C'est ça. Je pense que j'en ai déjà parlé au podcast, je m'excuse, je me répète, mais J.J. Abrams, il a fait une conférence TED où il parle du Mystery Box. Puis à travers cette conférence-là, il parle beaucoup de comment que les gens, les producteurs vont copier la mauvaise chose. Donc, Jaws 2, ben, ils vont mettre un plus gros requin, puis plus de morts. Puis dans le fond, la raison pourquoi Jaws est un chef-d'œuvre, c'est pas à cause du requin, c'est à cause des personnages humains. Puis c'est eux qui fait que tu t'en crisses pas. Oui, tu répètes, t'as déjà parlé de ça. Mais j'ai déjà dit exactement ces exemple-là. Non, mais c'est bon. Parce que c'est pas grave, mais je trouve que c'est une belle leçon de storytelling. Puis ouais. Présentement, là, tout le monde parle de Deadpool parce que c'est un film de super-héros rated R. Puis tous les producteurs capotent parce que ce film-là a fait tellement d'argent que là, ils pensent que tout devrait être rated R. Mais non, c'est pas ça. Ce qu'il y a à retenir, c'est justement le risque qu'ils ont pris. Ils ont fait quelque chose de différent. Bref, là, on s'éloigne un peu, mais je pense à Flying Guillotine, puis je pense que c'est vraiment un produit de créateurs qui ont fait exactement ce qu'ils voulaient, qui ont intégré toutes les idées qu'ils voulaient. C'est ça, sûrement tu remontes dans le temps avec les films, comme on disait, un peu plus traditionnels de genre, puis lui arrive avec ce script-là, sûrement que c'est fait tasser, puis c'est que tu t'en vas, madame. Ah oui, puis tu sais, il y a une différence entre le voir, mais imagine lire le script, là, tu dois pas catcher pantoute. Tu vas faire, à quoi tu penses, si là... Il y a un monsieur qui a un chapeau en guillotine qui pitch avec une chaîne, puis il est d'un poulailler. What the f... Quand tu le vois, ça fait du sens. C'est ça. Moi, en tout cas, j'aimerais ça voir... Puis là, ça me fait chier parce que je l'ai pas vu, mais il est sur Netflix. Oui. RZA, qui est un membre fondateur de Wu-Tang Clan. Évidemment, c'est un gros fan des films de Hong Kong, de toute cette génération-là, et a produit et réalisé un film qui s'appelle... Ouais. Puis c'est avec Russell Crowe. Et RZA joue un personnage dans le film, puis c'est... je pense que ça s'appelle The Legend of the Iron Fist, mais je suis pas sûr. Allez checker, faites juste RZA, film, etc. Et Russell Crowe, c'est pas... personnage principal? Non, Russell Crowe joue... C'est lui qui meurt au début. Je pense que oui, le pire, c'est qu'il joue quelqu'un qui n'a pas rapport dans cet univers-là, donc c'est très... Ok, il voulait juste un gros nom. Non, c'est un film indépendant. Okay. Fait que, tu sais, ça n'a pas... je pense que Tarantino a aidé à produire, je ne suis pas sûr, encore une fois, il faudrait que je check mes facts, mais ça tourne autour d'un gros tournoi pour avoir le fameux Iron Fist. Et ça avait l'air super bon pour vrai. J'ai jamais pris le temps de l'écouter, mais j'aimerais ça voir si justement ils ont osé aller aussi loin. Parce que c'est ça qui est tough aussi. Il y a une ligne entre le ridicule, jusqu'à quel point tu y vas pour. C'est comme à un moment donné, c'est comme ça passe, ça casse. Si tu vas tellement loin, à un moment donné, ça peut juste devenir comme. Lame tellement que c'est ridicule. Ouais, tu peux surexploiter ton aspect loufoque ou créatif original. Ouais. Tu sais, je suis convaincu que t'as écouté Flying Guillotine puis il y a des moments que t'as bouffé de rire juste parce que ça avait comme pas rapport. Là. Ben oui, même tantôt. Là, parce que tu vois qu'il y a une scène un peu plus au début qu'on voit le One Arm Boxer avec ses élèves dans son dojo. Puis. Il essaie de montrer une technique, fait qu'il monte à son subordonné le plus haut, puis OK. Fait que là, il installe une espèce de grande corbeille, mettre des pierres, puis il monte dessus, marcher sur le tour avec ses pieds. Ouais. OK, c'est bon. Fait que là, il dit, il faut que tu pratiques ta respiration, puis là, OK, enlevez les pierres. Fait que là, il remet ça. Fait que là, évidemment, la gravité, tu mets ton poids, ça tombe directement. C'est comme un genre de panier en paille. Là. Ouais, très très grand panier. Puis après ça, lui, il se plante. Puis après ça, le maître réussit à faire le tour. Ouais. Puis après ça, OK, j'ai une autre chose à vous montrer. Venez à l'intérieur. Puis là, il marchait les mains, puis c'est le plafond. Puis là, tu dis, OK, c'est ce genre de film-là. Ouais. Mais ça marche parce que ça fit dans l'univers. Ben oui. Puis c'est un film aussi, comme tu l'as dit tantôt, qui se prend pas au sérieux. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais pas que c'est une comédie, mais ça passe. Mais oui, il marche jusqu'au plafond, puis c'est la face qu'il fait, il est comme bizarrement nerveux de le faire, tu sais. Il marche, retient il son comme, souffle, ouais. Là, finalement, il fait le tour. Puis à la fin du film, tu découvres que non, il peut rester au plafond à cause de son sens de l'équilibre. Tu sais, il a tellement contrôlé son équilibre que genre la gravité s'applique plus, genre, whatever. Mais j'aime beaucoup ce personnage-là, le one-arm boxer. Mm-hmm. Je trouve ça cool. Bon, évidemment, c'est ça que je me demandais tout le long du film. Est-ce qu'il est réellement handicapé? Ou est-ce que c'est un genre de défi? Parce que ce genre de personnages-là font souvent ça, tu sais. Mm. Vont s'imposer une limite à eux-mêmes pour repousser les limites. Je sais. Et c'est mal dit. Se lancer le plus grand défi ou ça. Exactement, ouais. ça va arriver souvent. Fait que, genre, mettons, un personnage qui va justement se bander les yeux pendant un combat. Ouais. Parce que, bon. Puis moi, je me suis. Te donner des désavantages, justement. Et c'est ça. Ouais. Vu qu'on n'a pas vu le premier film, j'ai comme pas pu répondre, mais le film, il répond pas à cette question-là. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il est réellement handicapé? Parce qu'on voit clairement qu'il y a un bras dans son jeu. Ouais, ouais, tout le long. Puis les gens qui sont décapité par le flying guillotine, on voit très bien qu'ils se mettent ils lèvent leur chandail puis par-dessus leur tête, ah ouais. Puis c'est pas bien ah fait. Ouais. Mais tu sais, ça rappelle les débuts de Roadkill, là, avec ouais. Le gros styrofoam rouge. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est des pas beaucoup de sang dans le film, bizarrement. À cette époque-là, ouais, là, c'était des gros jets de sang qui explosaient de partout. Okay. Pas beaucoup dans celle-là, sûrement un fond de budget. Ouais. J'imagine. Ouais. Parce que j'ai écouté un paquet d'autres films dans ce style-là, puis c'est ça, c'est un des trademarks, là, ou même les vieux films de samouraï, là, c'est tout le temps ça. Là. Si oui. Quelqu'un se coupe un bras, ça... Ou t'as une scène que c'est juste ça, puis c'est mémorable pour tout le film. Ouais. Tu parlais de l'introduction tantôt avec l'espèce de filtre dégradé. Mm-hmm. C'est intéressant parce que la musique qui embarque à ce moment-là, tu vois que ça l'annonce un peu le trip, là, le fun. En fait, je connaissais déjà de nom, mais c'est le band Noi, okay. Un groupe des années 70. Puis c'est genre de gros... Comment ça s'écrit? C'est nouveau en allemand, N-E-U, okay. Ou N-E-U-E, je ne me rappelle plus. Là. Fait que, ouais, fait que ça drive vraiment. Puis c'est le fun parce que... Comme je disais tantôt, c'est vraiment pas de la musique traditionnelle asiatique ou traditionnelle de kung-fu. Je pense que les gens ont utilisé la musique sans répondre au droit. Ils ont juste pris la musique comme ça. Ouais. Puis, fait que tu vois, on a du noi. Puis c'est drôle parce que le thème qu'on n'a pas parlé du Flying Guillotine, c'est le même groupe, mais c'est carrément différent. Ouais. C'est comme tu sens comme un battement. Puis il y a un gros gong au début. C'est incroyable. C'est pis, vraiment... Là, c'est ça. Puis à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il commence dans une scène, c'est son thème. Puis ouais. ça fonctionne admirablement. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de ce personnage-là. Il est extraordinaire. Ouais. C'est tellement un bon personnage. Il y a des sourcils qui rivalisent ceux de Heihachi dans le canon. Oui. Il a toujours les yeux fermés ou semi-fermés parce qu'il est aveugle. Pour accentuer, c'est... C'est comme ses sens. Comment il bouge. Une longue barbe, les cheveux rasés, qu'on dirait quasiment qu'ils sont bleus. Costume, genre vraiment genre extravagant au bout. Une espèce de toge de moine avec. Ouais, avec de la place pour ses gros muscles. Ouais. Puis là, faut qu'on parle de quelque chose parce que j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais avec ça. Mais par-dessus tout son costume, mm-hmm. Il y a une espèce de pas un tablier, là, mais quasiment avec une grosse croix gammée dessus. Le swastika. la swastika. Ouais. Et au début, je me rappelle que j'étais comme, ah, ce symbole-là, dans le fond, c'est vrai, c'est un vieux symbole qui a été inversé. C'est un vieux symbole tibétain qui voulait dire éternité. Oui. Et bon. Puis on peut voir ce symbole-là dans le dos de Manji, le personnage principal de L'Habitant de l'Infini. Oui, le manga. Le oui. manga de oui. Samouraï. Uh-huh. Puis ça, c'est pour l'anecdote. Normalement, les mangas, on fait juste comme les publier à l'envers à l'époque. Aujourd'hui, ils sont publiés dans le sens original, donc ça se lit de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Mm-hmm. En tout cas, vous comprenez, dans ouais, le ouais. sens inverse de nous. Oui. Puis là, pour Manji, pour l'Habitant de l'Infini, ils ne pouvaient pas faire ça parce que sinon, il y avait une grosse swastika, vu que le symbole était inversé. C'est ça que je pensais, puis j'avais pensé à cette référence-là. Ouais. Mais. Apparemment, non. Apparemment, ça a tout le temps été comme du même sens, puis c'est juste les nazis qui se l'ont réapproprié. OK. Puis qui ont juste tourné un peu de comme 25 degrés pour le mettre en angle. Ouais. Mais le symbole éternité, le symbole swastika était bien ancré, puis t'as même de l'architecture avec ce symbole-là, très présent dans les cultures orientales. OK. Puis il n'est pas inversé. Je pense pas, c'est ça. Ok, bon, ben ça me fuck, ben. C'est ça, parce que moi aussi, j'avais pensé à cette anecdote-là que les premières éditions de L'Habitant de l'Infini, ils devaient inverser les trucs, puis ça virait en croix nazie, mais c'est non, ça revient moins. Ok, ok. Parce que moi, à cause de ce manga-là, je m'étais comme donné un truc mental pour différencier les deux. Ok. Puis c'est que la croix nazie, ça fait comme un S, comme très carré, là. Oui. Deux S qui s'entrecroisent. Uh-huh. Et bon, l'autre, ça fait comme un Z. Deux okay. Z qui se croisent. Fait que là, si c'est, finalement, c'est pas inversé, on s'en fout. Mm-hmm. Mais lui, c'est vraiment un S qu'il a. C'est ça. Fait que c'est vraiment le même symbole que les nazis. Fait que ça nous fuck. Ça nous fuck c'est la ça. Culture en Asie. C'est une crise de nazis qui s'approprient des symboles qui lui appartiennent même pas. Puis là, finalement, on n'a plus le droit... d'utiliser ce symbole-là parce qu'on pense tout que c'est les nazis Christ de cette gang. Comme un genre d'acteur que t'aimes, puis après ça, il fait un bon film, puis là, il fait. Genre. Tu découvres que c'est un violeur de femmes. Ouais, puis là, ça fait. Ah, comme. Ouais. Comme Frank Miller. Qui est pas un violeur de femmes, mais. ça fesse en esti, là. Frank Miller. Là. Okay. Puis ça me fait demander, justement, c'est une astuce de bonne question. Il a pas changé depuis. Ben là, tu regarde, il a vécu beaucoup d'affaires. Hein, est-ce qu'il produit encore? Ouais. Okay. Là, il est en train de co-écrire Dark Knight 3. OK. Avec Brian Azzarello qui l'écrit avec lui. Oui. Puis c'est Andy Kubert ou Adam Kubert, un des deux, qui dessine. Mm-hmm. Puis il a annoncé qu'il faisait une autre série de Sin City. Mais ça, c'est une question, man. Tu sais, genre, moi, j'ai pas encore la réponse de ça. Je sais pas quoi en penser. Mm-hmm. Quand un artiste fait une œuvre extraordinaire que t'aimes, tu découvres que l'artiste est complètement fucké ou a des valeurs vraiment croches. Ou, tu sais, genre, est-ce que tu peux quand même triper sur l'œuvre de Bill Cosby maintenant que tu sais que c'est un serial rapist, tu sais? Ouais. Est-ce que tu peux réécouter ses vieux tapes et faire que non, c'est encore bon ou. Peux-tu encore manger du pudding? Ouais. C'est ça. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. OK. Toi, où tu te tiens là-dessus? Tu tripes sur un band, là, puis tu découvres que le gars, c'est un batteur de femmes. Es-tu capable de réécouter la musique puis de dissocier le créateur de sa création? Un peu. Je pense que oui. Ouais? Je pense que... À moins que ce soit super comme récent ou super gros... Malgré que c'était super gros, mais c'est comme Burzum dans le black metal. A comme fait des albums quand même assez influents, assez importants. Mais je pense qu'il a participé à des meurtres ou à des brûlés des églises, tout ça. Puis après, ça a viré vers d'autres choses. Là. Ouais. Puis encore là, je détiens pas toute l'information. Puis il y a des gens qui peuvent me corriger, me contredire. Mais ouais, je pense que j'arrive à. C'est consommer l'œuvre pour ce qu'elle est sans être sans représenter toutes les valeurs que qu'habite l'artiste, peu importe après qui a fait l'œuvre. Ouais. Mais je comprends, c'est C'est difficile, c'est pas. Ouais. Pas fun. Fait que non, c'est jamais facile. Ouais. Parce que on connaît pas les créateurs de Flying Guillotine, non. Mais on imagine que c'est pas des batteurs de femmes, ni des pédophiles, ni non. Des. On s'imagine que c'est une gang de tripeux d'arts martiaux. Pis... Je pense qu'il y a une poule qui est décapitée au début. Que... Oui, les mœurs n'étaient pas les mêmes à l'époque. Non, non, non. Ouais. On avait le droit de tuer des animaux à l'écran. Aujourd'hui, c'est évidemment pas accepté, mais dans le temps, ben oui, tu peux faire ça. C'est-t-il. Je me rappelle d'une entrevue de Jackie Chan quand il a commencé à faire des films à Hollywood. Évidemment, ça a changé sa carrière. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il s'est fait demander c'est quoi la différence. T'sais. Puis il était comme, ah, c'est vraiment beaucoup plus restreint ce qu'on peut faire. Il dit, tu sais, mettons que Hong Kong, il y a une poursuite. Puis un héros, faut qu'il lance... tu sais, il y a deux chars qui roulent. Oui. Puis il y a un héros qu'il faut qu'il lance un bébé d'une voiture à une autre. Ben, il dit, Hollywood, là, il nous aurait forcé à utiliser un mannequin. Là, t'es comme, forcé, oh my fucking God! OK, fait que, tu sais, lui, il faisait pas juste toutes ses cascades, mais il pitchait des bébés vrais, des vrais êtres vivants, d'un char à l'autre. T'es comme Chris, faut pas que tu le manques, hein? Ah, c'ti. Fait que, ouais, ben c'est ça. Fait que les poules, c'était pas fait en CG, ben. Ouais. Est-ce que tu recommanderais ça? Une foule. Poule. Pis tu sais, je pense à n'importe qui écoute ça, mettons, avec des amis. Ouais. Si vous aimez ça, inquiétez-vous pas, il y en a un shitload d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup à découvrir dans ce style-là. Moi, moi ça m'a donné le goût de me faire comme, OK, une fois par mois, là, on se réunit, on écoute soit un film de kaiju, soit un vieux film Hong Kong d'arts martiaux, ou soit un animé japonais. Mais c'est le genre d'affaire que je pense qui s'écoute bien en gang puis qui peut être crissement cool. Là, ouais. Ça, je l'avais fait écouter à... avec ma blonde, puis que je sais pas trop connaissance astronomique des films de kung-fu, mais vraiment bien embarqué, puis trouver ça super divertissant. Puis, ouais. Fait que, je pense que ça peut se prêter à tout public. Là, par ouais. Là. It still holds up. Ouais. Fait que toi aussi, dans le fond, tu le recommandes. Ah oui, absolument. Y a-tu des gens à qui tu le recommandes pas? Ouais. C'est ouais. Ouais. Moi non plus, ma mère très près pas. Peut-être mon père très près. Mon père, il aime plus ce genre de truc là. Fait que moi, c'est une bonne idée, la guillotine là, sur la tête. En même temps, des fois, il lance des commentaires, t'es comme, hey, as-tu compris? Je comprends pas pourquoi ça fait des explosions à chaque fois qu'il y a des coups de poing. T'es comme, ouais, ok. Ça pas. Fait que, ben oui, on le recommande. Oui, non, je pense que c'est le genre de film que tu peux juste embarquer, puis te laisser charmer, puis tu parlais tantôt de... C'est pas des conditions idéales, mais juste de le mettre en arrière-plan, pas de son. Il y a beaucoup de films de kung-fu que t'as comme un ou deux trois gros combats, sauf que là, je pense que le rythme est super bon. C'est ça. C'est un après l'autre. Ouais, ça n'arrête pas, là. Ouais. Puis il y a des personnages ridicules, des personnages super ingénieux, il y a des personnages genre vraiment... C'est ça. On a parlé d'un Indien qui se fait comme un genre de blackface. Il y en a un qui c'est une moustache. Clairement, pas une vraie moustache. C'est lui qui donne le coup de bedaine et qui meurt étranglé par les cheveux d'un autre gars et qui tombe sur le dos avec la langue sortie. Ouais. C'est magnifique. Non, c'est ça. Oui, on n'a même pas parlé de ça. Il y a un gars qui étrangle quelqu'un d'autre avec sa tresse. Il y a une tresse, puis il donne un coup de tête, puis là, ça fouette comme l'autre. Ouais. Puis là, finalement, il se fait prendre par en arrière, puis il swing sa tresse pour étrangler l'autre personne. Fait que, tu sais, si t'acceptes pas ça, écoute pas le film. Ouais. Si t'es game d'y aller avec ça, ben là, tout le film, ça va être ça va être parfait pour toi. Ça va être un délice, ça. Ouais. Si tu juges que la gravité, puis il y a des erreurs de... factuel au niveau de ça, ça marcherait pas. Ouais, puis juste les pellicules, tu sais, les bobines qui changent pendant une scène, que ouais. toute la lumière change, one shot, t'es comme, hey, on est encore là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage féminin qui est en fait la fille du gars qui organise le tournoi? Ouais. Elle se bat, je pense, avec la technique du serpent, Tigre, du ouais. tigre. Ouais. Ben, moi, je l'ai trouvé super cool, mais j'ai trouvé que la fin de son arc d'histoire manquait de résolution un peu. Ouais. Parce qu'elle se fait comme. Est vite devenu accessoire. Exactement, tu sais. Il y avait comme full de promesses dans ce personnage-là. Évidemment, son père veut pas qu'elle participe au tournoi. Elle est comme, Chris, tu me fais pas confiance. Fait que là, il est comme, ok, t'as raison. Fais ce que tu veux. Finalement, il faut là, tu sais. Ouais. Mais ça va mal parce qu'il y a comme plein une couple d'autres combats avant. Puis là, évidemment, comme ça fait comme trois de suite que le combat finit, puis un des deux est mort. Ouais. Puis après ça, son nom est pigé, puis là, t'as le père qui. Oh, vas-y, ma petite. Puis elle y va, puis elle gagne son combat. Ouais, avec ouais, de manière un peu loufoque, là. Ouais. Mais quand même, elle l'a. Puis là, après ça, évidemment, Flying Guillotine arrive. Chie tout. Une autre technique que Flying Guillotine a, qui est assez impressionnante, il crisse des bombes. Il pitch des grenades. Fait que, tu sais, essaye de te battre contre ça, man. Il fait péter tout autour, puis il arrête pas, là. Il en abuse, là, tu sais. Si moi, j'avais à me battre, puis j'avais comme 20 grenades sur moi, j'y pitcherais tout. J'essayerais pas d'en pitcher une, voir ce que ça fait. Non, non, t'es pitch, t'es pitch, pis ça pète, pis ça, c'est du feu, des explosions. Fait que là, elle, évidemment, perd conscience pendant ce temps-là. Puis elle se fait kidnapper par, justement, le personnage Raiden, le japonais. Oui. Que lui, il est super creepy. Puis là, finalement, elle se fait comme sauver par le One-Arm Boxer. Puis ça finit comme de même, son histoire. Ouais. Fait que t'es comme, ah! Tu sais, elle s'est même pas battue. Ça aurait été hot qu'elle fasse comme, tu penses m'entraîner? Non, fuck you. Puis qu'elle crisse une volée, mais finalement, elle se fait sauver. Fait que ça, c'est un peu poche, là. Au fond, il y a comme deux films là-dedans. T'as comme le One-Arm Boxer, Flying Guillotine. Entre deux, c'est comme le Le tournoi. tournoi. Puis après ça, ben, ça revient aux autres, là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé le combat de la fin Ouais, aussi. ouais, ouais. Puis comme je pense comme dans sa série Female Scorpion, à la fin, il y a pas de trame sonore, il n'y a pas de musique, c'est uniquement les effets sonores des poings, des coups. Ouais. Fait que la tension est là. ouais Ouais. puis ça marche, il fait sa fameuse technique d'équilibre au plafond. Ouais. Puis il sert justement de l'handicap de son ennemi, du fait qu'il est aveugle, il change d'environnement foule de fois, fait que là, moi, j'étais content. Puis son dernier coup porté projette Flying Guillotine dans les airs, puis pendant ce temps-là, il a le temps de kicker un cercueil qui défonce la porte, il s'en va à l'extérieur pour que Flying Guillotine tombe direct dans le cercueil. Qu'est-ce que tu veux de plus maintenant? C'est-tu une fin grandiose, hostie? Tain, man, je t'ai crissé une volée, puis là, t'es dans ton cercueil. C'est magnifique. Et le film se termine 28 secondes plus tard. Ouais, genre, quasiment sur un freeze frame, Ouais. Tu vois qu'il porte comme, pas des fleurs, mais comme une espèce de petit truc pour dire. Dormamment, oui. Ouais, c'est ça. Puis là, il s'en va. Ça Ouais. finit. Mais moi, j'aime ça, hostie. On se regarde avec un gros sourire, puis hey! C'est ça. Mais Chris, en parlant de tout ça m'a vraiment donné le goût d'écouter Histoire d'un fantôme chinois. Oui. On pourrait faire un show là-dessus, ouais, ça tente. Parce que là, on a une couple d'idées pour les prochains shows, là, mais Ouais, on dit tout le temps qu'on a plein en banque et on n'en a jamais. Ouais. Ça fait un an qu'on n'a pas fait, là. C'est ça. Ça fait un an qu'on n'a pas fait. Mais en même temps, Chris, on a expliqué pourquoi, là. T'sais, on a eu une Ouais. année remplie en Ouais. Chris. Fait que on s'engage quand même à faire une fois par mois Ouais. d'adopter ce rythme-là. Ouais. Puis voilà. C'est ça. Malade. Ouais. Fait que merci pour la bière, Do. Ben merci d'avoir vu. Tu es toujours bienvenu dans mon antre Oui. pour jaser de vieux films. Puis on sait pas c'est quoi le prochain show, mais on a une couple d'idées, fait que Non, ça oui. risque d'être cool, Ça là. va encore tourner autour de la même chose, là. Des mangas, films. C'est ça. Faire. On continue. Plus de jokes de pénis. Plus de mon âge. Ouais. Ouais. Ben oui, merveilleux. Fait que. Tu termines avec une toune appropriée de ce que tu as parlé tantôt. Ouais, là, ce que je vais faire, je sais pas si tu vas le couper au montage, mais je vais faire comme si je présentais deux tounes parce que je suis pas sûr de quelle des deux tounes Ok. je veux. Parce que en parlant, j'étais comme ça serait vraiment cool, dans le fond, que je mette une toune d'Israël capable parce qu'on a parlé des Ok. handicapables. Fait que ça fit. Mais j'ai pas demandé la permission. Fait que je pense qu'il y aurait pas de problème. Je pense que Mais oui. si j'ai pas demandé, tu sais, je trouverais ça poche de le faire sans demander. Fait que je vais y écrire un petit mot. OK. Fait que on s'en va écouter. Papier, piano, panier. C'est ça Après ça, tu de. répètes encore toujours. C'est ça de capable. OK. Puis aller voir le Bandcamp du band. Capable, c'est comme ça, c'est du gros punk, OK. c'est excellent. OK. Et Puis si Israël veut pas. si Israël veut pas, alors on va aller écouter Liquid Swords OK, mais bon. de GZA. C'est pas Ouais. Wu-Tang, mais GZA est un fondateur de Wu-Tang et il y OK. a des membres de OK. Wu-Tang qui sont sur son album. Puis je trouve que ça se prête bien. Mais ça, c'est comme Reza, c'est RZA, Ouais. puis lui, c'est GZA. Ouais. Puis t'es sûr, c'est Jeza et non Geza? Non, c'est GZA. Jeza? Ouais. Fait que la toune Liquid Swords de l'album du même nom. On s'en va dans un mois. Dans un mois. When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the empire. And he was the shogun's decapitator. He cut off the heads of 131 lords. It was a bad time for the empire. The shogun just stayed inside his castle, and he never came out. People said his brain was infected by devils. My father would come home. He would forget about the killings. He wasn't scared of the shogun, but the shogun was scared of him. Maybe that was the problem. Then, one night, the shogun sent his ninja spies to our house. They were supposed to kill my father, but they didn't. Sometimes you gotta fast and fast. You niggas don't know where this shit started. Y'all know where it came from. I'm saying we gonna take our back to the source. For now, yo. When the MCs came to live out their names and to perform, some had to smoke cocaine to act insane. With the poor heat rocking on that one with the mental plane, the spark the brain, with the building to be born. Bill was up to the track, the what you got. I swing swords and cut clown. Shit is too swift to bite. You record and write it down. I flow like the blood on a murder scene, like a syringe on some wild out shit to insert a vein. But it was your walk the shop, stolen art, catch a swollen heart from not rolling smart. I put bad pressure on pony whack rhymes to get hurt. Sits plate like zodiac signs a sweatshirt. That's minimum and feminine like sandals. My minimum table stacks the first on a gamble. Energy is felt once the cards are dealt with the impact of roundhouse kicks from black belts that attack. The white bones like cyclones or typhoons. I represent from midnight to high noon. I don't wait. erase ink. Nigga, I think I drop megaton bombs more faster than your blink. Cause rhyme thoughts travel at a tremendous speed. Through clouds of smoke of natural blends of weed. Only under one circumstance, if I'm blunted, turn that shit up. My clan in the front wanted that with the MCs came to live out the name. And to perform, something had to snort cocaine to the act the same. For me, rocking on that one with the mental plane, just to spark the brain with the building to be born. Yo, the rhythm of the track with the what? I'm on a mission that niggas say is impossible. But when I swing my swords, they all choppable. I be the body dropper, the heartbeat stopper. Child educator plus head irritator. Cause niggas styles are old like Mark 5 sneakers. Lyrics are weak like clock radio speakers. Don't even stop at my station and attack while you're playing bell with the rep like Amtrak. What the fuck for? Damn, my law make law. I be justice. I sentence that ass 2 to 4. Ram the clock to that state pen time. Check it. But the pins I'll be sticking with, you can't stake the crime. Came through with the wool, slid off on the DL. I'm low key like seashells, I rock these bells. Now come aboard, it's Medina bound into the chamber. And it's a whole different sound, it's a wide entrance. Small exit like a funnel, so deep it's picked up on radios and tunnels. Niggas are fascinated how the shit we get vaccinated. My logo is branded in your skin with the MC's cane. To live out the name, to your end, to perform some hat. To snort cocaine, to act the same. Before he rocked it on, now on with the mental plane. Just spark the brain with the building to be born. Yo, rhythm hit the track. What the fuck is it, the one?